Les Kraken de Seattle vont faire leur entrée dans la Ligue nationale au mois de septembre. Et quoi qu'il en soit, ben, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Je voulais avoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les Kraken de Seattle? C'est Jeff Baker du Seattle Times. Salut, Jeff! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey Jeff, je te regarde en arrière. Guy Lafleur, même à Seattle. Faut dire que les gens qui se posent des questions, pourquoi je parle à un journaliste du Seattle Times en français? Moi, je sais, tu viens de Montréal, mais évidemment, comment tu as fait pour te rendre au Seattle Times, un gars de Montréal? Longue histoire. J'ai travaillé, je suis né à Montréal et j'ai vécu à Laval. À Chamonix pendant 20 ans et à Québec pendant 29 ans. Et j'ai 29 ans, travaillé OK. à Montréal dans la section des nouvelles pour 8 ans. J'ai couvert les Alouettes de Montréal, la première année qu'ils sont envoyés de Baltimore en 1996. Et après ça, j'étais embauché par le Toronto Star pour couvrir le baseball en 1998. Oui. Et après ça, j'étais embauché par le Seattle Times. J'ai rencontré mon future épouse sur la route, couvrir l'équipe de baseball, et elle se vivait à Seattle. Alors, j'ai déménagé ici pour couvrir les Mariners. Et après ça, j'ai fait des enquêtes sportives pendant les dernières 8 ans. Et durant ce temps, j'ai écrit beaucoup de choses sur l'Arena Nouvelle, qui était, qui était renforcée pour un milliard de dollars. OK, Et ouais. je connais le hockey un peu, alors il se Un peu disait. beaucoup. Un peu beaucoup. Effectivement, c'est toi qui écris pour le Seattle Times. Encore cette semaine, je voyais il y avait des articles dans le Times de Seattle où ça parlait des Kraken, puis c'était toi qui avais signé l'article. Je voulais savoir, en fait, on est à quoi, quelques mois de l'entrée en scène des Kraken. C'est quoi, y a-t-il beaucoup d'enthousiasme actuellement pour l'équipe de Seattle? C'est sûr que c'est un marché. Il y a beaucoup de sports, les Mariners, les Sounders, c'est très fort à Seattle, les Sounders. Tu as également le sport universitaire, tu as également. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour les Kraken de Seattle qui a quand même une bonne. Qui a quand même une tradition de hockey à Seattle? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'enthousiasme actuellement? Un enthousiasme. On a eu le hockey ici pendant une centaine d'années. On a eu le Ouais. hockey les Metropolitans et avec les Seattle Totems, après ça de la Ligue de l'Ouest. Et depuis les années 70, on a eu des équipes juniors, les Seattle Thunderbirds et aussi maintenant le Everett Silvertips. Alors les gens connaissent le hockey ici. Puis aussi, on a beaucoup de gens qui viennent ici des autres villes de l'États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme pour la technologie ici Oui. et beaucoup viennent de Chicago, New York, Pittsburgh, toutes les places où on a des équipes de hockey et ils sont très, très énergisés pour la des Kraken. Et je crois que dès qu'on va avoir une équipe avec un coach et un entraîneur et aussi des joueurs, ça va prendre quelques mois de plus, on va avoir beaucoup, beaucoup d'enthousiasme ici. Est-ce que faut dire aussi que c'est un marché à Seattle qui a beaucoup, beaucoup d'argent, hein? Beaucoup de sièges corporatifs. Amazon est là, on parle beaucoup d'Amazon, évidemment. Le siège social d'Amazon est à Seattle. Le siège social de Boeing également est à Seattle. Et tu as d'autres sièges corporatifs. Donc, même s'il y a plusieurs équipes de hockey à quelque part, le corporatif, il y a quand même beaucoup d'équipes de sport, c'est-à-dire, le corporatif est là pour soutenir aussi, là. Oui, et c'est pour ça que la Ligue était très intéressée de mettre une équipe ici. Ça, et aussi, on n'a pas une équipe, on n'a pas une ligue professionnelle d'hiver ici, parce que Ah les oui, c'est Sonics bon. ont quitté, ça fait une douzaine d'années. Et maintenant, vraiment, on manque le sport ici dans les mois de janvier, février, sauf que quand les Seahawks participent dans le Super Bowl, Oui. mais ça fait. Alors, les gens, ils veulent une équipe. Il y a un trou ici qu'on peut fill a hole, parce que on manque une équipe d'hiver et il y a beaucoup d'enthousiasme pour une équipe professionnelle d'hiver ici. On a des équipes collégiales, mais c'est pas la même chose. OK. Est-ce que du côté des Kraken, les attentes vont être élevées? Parce que, les Golden Knights de Las Vegas, on a vu, la première année, ils se sont rendus à la Coupe Stanley, à la finale contre Washington. Est-ce que les futurs partisans des Kraken vont s'attendre à la même chose ou les attentes sont à la baisse? pense que les gens qui connaissent le hockey ici connaissent que ça va être impossible d'atteindre le final de la Coupe Stanley dans l'année numéro un. Et l'équipe a fait un bon job de se préparer des gens que non, on ne va pas faire répéter comme Vegas. On va essayer d'entrer dans les séries éliminatoires, mais c'est très, très rare ce qui est arrivé avec les Golden Knights. Et je crois que les partisans, ils savent ça, et les gens qui connaissent le hockey, ils font un bon job sur les blogs et sur les lignes d'Internet de parler avec les autres partisans qui sont un peu moins éduqués sur le hockey, et ils se disent que non, on ne va pas répéter ce que le Vegas presque. Tu as parlé évidemment de l'équipe. Écoute, selon toi, on va-tu miser plus sur un mélange de vétérans, sur des noms connus, sur des jeunes? C'est quoi qu'on va viser d'après toi du côté de Ron Francis et l'organisation? Well, le problème que Francis a, et c'est un bon problème, c'est qu'il faut qu'il dépense $60 minimum. Et on ne peut pas faire ça, d'acheter 30 joueurs dans l'empêchage d'expansion. On ne peut pas faire ça avec des joueurs qui ne coûtent pas cher. Il faut atteindre des joueurs qui coûtent d'argent parce qu'il y a un minimum qu'on doit atteindre. Et ça va être difficile avec seulement... et je crois avec l'empêchage, ça doit être 48,9 millions de dollars sur les 30 joueurs dans le repêchage d'expansion, 48,9 millions doivent être dépensés sur cette 30 joueurs. Il y a deux minimums qu'il faut atteindre. Alors, on va avoir un mix des gars. C'est un travail difficile cette année parce que les joueurs jeunes, comme on savait, ils ne jouent pas. C'est difficile avec le COVID et la pandémie. Oui, c'est très difficile à recruter. C'est le recrutement, ça va être un peu bizarre comme repêchage aussi. Là. Jeff, à Montréal, on parle beaucoup de Carey Price. Écoute, Carey Price vient de Seattle et demeure à Seattle, c'est-à-dire, et on sait qu'il y a un contrat extrêmement pesant. Il y a du monde qui espère dans les partisans. Puis moi je suis un chanteux là, qui aimerait bien voir Carey Price partir. Est-ce que tu penses que Carey Price pourrait être laissé sans protection par le Canadien au repêchage et les Kraken le repêchent? Est-ce que c'est une possibilité? Il qui va être laissé parce que j'ai vu ses matchs cette année et ça manque beaucoup. Son performance manque beaucoup, mais pour cette raison, je ne sais pas que je crois pas que les Kraken vont embaucher un joueur comme ça. Même s'il demeure à Seattle? Même si ça pourrait être une attraction pour l'équipe? Pardon? Même si ça pourrait être une attraction pour l'équipe, demeure à Seattle, ça pourrait être un bon coup de marketing pour vendre l'équipe? C'est super, peut-être même aussi un joueur comme ça pour marketing et il coûte seulement un an à 9 millions de dollars. Ce n'est pas un contrat long terme comme Carey Price. Puis aussi, à Montréal, s'il garde Jake Allen, s'il protège Jake Allen, il y a aussi des autres joueurs sur le Canadien qui vont intéresser le Kraken comme. Il y a plusieurs joueurs comme Philippe Dano. En centre, c'est très, il y a beaucoup de value là-bas pour un centre. Et je crois qu'ils peuvent peut-être négocier une extension avec lui. Ça va être intéressant. Peut-être ils peuvent essayer de signer un contrat avec lui avant le repêchage. Et je ne crois pas que Carey Price va. Je sais qu'il a habité ici. Je suis que. Ouais. C'est l'espoir de. En tout cas, c'est l'espoir de bien du monde. Bien des partisans de Montréal, du Canadien, qui veulent voir Carey Price partir d'Ottawa, que les Kraken le repêchent et qu'il demeure. Étant donné qu'il demeure à Seattle, mais là, tu t'attends un petit peu, mais décourager. Hey, Jeff, il me reste deux questions. Je veux te parler des Mariners de Seattle. Tu as couvert longtemps les Mariners. Ils connaissent un bon début de saison. Est-ce que tous les experts les voyaient à la fin? C'est sûr que c'est très tôt, là, à la queue avec les Rangers. Est-ce que tu es surpris un peu du début de saison des Mariners? Une leçon que j'ai prise après couvrir le baseball pour 16 années dans deux villes, c'est que tous les résultats qu'on a dans le mois d'avril et l'autre, ça ne fait rien parce qu'ils ont joué contre Houston et Houston a manqué à peu près un tiers de leur équipe à cause de COVID. La chose qui est intéressante pour moi avec les Mariners cette année, c'est le bullpen qui fait un job un peu plus professionnel. L'année passée, c'était une blague. Le bullpen a coûté tellement de victoires. Ouais. Fait un bon job, mais je crois que les frappeurs ne sont pas là encore. Et c'est une équipe qui va avoir des difficultés à marquer des points et ça va affecter l'équipe, je crois, pendant le mois de juin. C'est sûr que le baseball, écoute, on ne gagne pas des championnats au mois d'avril, par contre, on peut en perdre au mois d'avril. C'est ça la différence. Jeff, j'aimerais te reparler lorsque les Kraken vont avoir débuté leur saison, donc pour avoir un peu le pouls des gens de Seattle. Merci beaucoup, puis je te félicite pour ton français. Encore très bon, puis je pense que ça te permet de quand je t'appelle de temps à autre, ça te permet de pratiquer ton français. Fait que tu ne vas pas avoir l'occasion de parler en français demain, tu vois. Je parle beaucoup d'occasions ici à Seattle. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeff. Un gros, gros merci pour le plaisir de se parler de nous tantôt. À tantôt. Voilà Jeff Baker qui va couvrir les Kraken de Seattle pour le Seattle Times. Merci, Jeff. Gros merci, hein? Merci beaucoup. C'est bon, salut.